65 cycles, 273 fois 5, ça vous va? Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention à 1 Corinthiens chapitre 10. Mais juste avant de... Non, je vais le lire. Chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10. Je vais lire du verset 1 au verset 6. Frères. 1 Corinthiens, chapitre 10, ça va? Tout le monde? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est ça qu'on est en train de lire. On est dans le désert. Dieu est en train de former son peuple. Il y a 2,5 millions de personnes dans le désert. Il y a 603 000 hommes de troupes prêts à se battre. Là, il vient de, on va mettre en place le sacerdoce et le service derrière le sacerdoce. Il dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, sortis d'Égypte, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne dans le désert, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, le rocher qui les suivait, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Donc là, on est en train, ils viennent d'arriver, là, ça fait pas longtemps, un an, quelque chose, à peu près, plus ou moins. Et puis, ils sont en train de se faire organiser. Moïse donne les ordres et ils font ce que Moïse dit. Mais plus tard, on va voir qu'ils vont déraper. Ils ont péri dans le désert. 603 000 hommes de troupes qui vont mourir dans le désert. Tous les Lévites qu'on vient de compter vont mourir dans le désert. Aaron, Moïse, les fils d'Aaron vont mourir dans le désert. Quand ils vont sortir du désert, juste à la sortie, ils vont faire le dénombrement des hommes de troupes. Il va y avoir 600 000 et plus hommes de troupes. Dieu va remplacer ceux qui sont dans le désert par d'autres personnes qui sont prêtes à lui obéir. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils avaient des ordres, ils avaient des choses à faire, mais ils préféraient faire autre chose, ce qui leur plaisait. Au verset 11 du même chapitre qu'on est en train de lire, « Ces choses le sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, quand on lit dans Nombre, sérieusement, là, quand on lit Nombre, Lévitique, ou j'aurais dû dire Lévitique, Nombre, c'est difficile de finir un chapitre. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, ce matin, depuis le 13 juillet, là, on se pose des questions par rapport au texte. Juste avant que j'aille un petit peu plus loin. Bon, Ruth, tu arrives d'un autre monde. Puis tu as grandi dans une église. Papa, il est pasteur. Il y a des façons de faire là-bas. Il y a des concepts. Ici, c'est totalement différent. Tu viens juste d'arriver, tu le sais déjà. Bienvenue, tu vas pleurer quelquefois. Mais c'est normal. Hein? C'est la même chose pour chaque personne qui arrive d'ailleurs. C'est la même chose pour Marcy, Daniel et les enfants. Juste changer d'église pour les enfants, c'est changer d'amis. Ils sont envahissants, les amis, ici. mais la culture... Tati arrive du Cameroun. Elle est ivoirienne. Elle arrive du Cameroun. Son mari est camerounais. Ils sont allés là-bas passer des vacances. Ils sont aussi allés faire d'évangélisation, Michel particulièrement, je pense, dans certains villages. Les Wamini, les parents arrivent du Cameroun. C'est différent ici, hein? Non? Tu peux? Bon, Marcy et Daniel arrivent du Brésil. Ça fait 5 ans qu'ils sont au Québec. Ça fait 15 ans qu'ils sont au Seigneur, 5 ans au Québec. Je me trompe? Ah, 15 ans les deux? Ah, j'avais mal compris tantôt. Donc, 15 ans au Québec. Mais là, vous êtes dans une autre église. Ici, on a une autre culture. OK? On ne fait pas les choses de la même façon. Mais, j'espère que peu importe d'où on vient, on a la même parole de Dieu. Même si c'est écrit en portugais, ou en anglais, ou en français, c'est clair qu'il y a des variations dans la lecture, dans le sens des mots qu'on utilise. Puis, donc, comment on fait? Ben, il faut fouiller. OK? Juste pour la fun, j'ai des vieilles Bibles chez moi. Fait que je suis reculé jusqu'en 1700 quelque chose, des Bibles que j'ai pour voir. Le texte de ce matin, s'il avait fait la même erreur avec les chiffres, etc. Impressionnant. Absolument. Mais il faut comprendre pourquoi qu'ils ont fait la même erreur. OK? Fait qu'on va la regarder. Parce que le verset 3:39 dit « Tous les mâles, depuis l'âge d'un mois au-dessus, furent de 22 000. » Et quand on lit le chapitre 3, il y a 22 273 premiers-nés dans le peuple. Il manque 273 qui vient confirmer que c'est 22 000, qui vient confirmer qu'il y a une erreur de 300 dans la somme des trois. OK? D'où vient l'erreur? Voilà. Fait que juste... Mais ici, l'approche, c'est une approche familiale, mais la parole de Dieu, on l'explique telle quelle. Donc, on prend les textes, puis on marche au travers de semaine en semaine, d'un livre à l'autre, et là, on est dans le nom. D'accord? Tout le monde, on est à la même place? Bonjour. Je te connais, mais j'ai oublié ton prénom. On s'est-tu déjà vu? C'est la première fois que tu es ici? Ah oui? Ah bon, je pensais que tu étais un ami de... Monsieur Josué ici. Non, bonjour. C'est quoi ton nom? Martin? OK. Deux jours? Ça fait deux jours. Landry? D'accord. Bienvenue. Alors, tu arrives de où? Non, non, mais de quel pays tu arrives? Non, toi. Haïti. Bon, alors, c'est un autre monde. Tu arrives de là maintenant? Ah, ça, c'est encore pire. OK, d'accord. C'est une blague, je faisais. OK. Bienvenue, Martin. Non. OK. On y va. Donc, ce matin, l'encouragement que je veux vous faire, la semaine passée, c'est prendre ta place dans le corps de Christ. Ce matin, je dis, mets-toi au service dans le corps de Christ. Parce que c'est de ça qu'on va parler. OK? Est-ce que vous êtes capable de lire ça, c'est trop petit? OK, donc on va parler de... En fait, ce que je veux faire, c'est que dans le texte qu'on regarde, il y a trois figures dans le texte, juste le texte qu'on vient de lire, nombre 3, il y a trois figures qui nous parlent du Nouveau Testament, qui nous pointent vers qu'est-ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Moïse, qui est une figure de Christ. Le deuxième point, c'est le rachat des premiers-nés par Dieu dans le désert. C'est une figure du rachat des saints par Jésus-Christ. Et le troisième point, c'est le service des Lévites envers les sacrificateurs. Et je vais juste mettre en force là-dessus, je vais peut-être le répéter plus qu'une fois. Les Lévites sont au service d'Aaron et de ses deux fils pour le sacerdoce. Ce n'est pas les Lévites qui font le sacerdoce. Il s'occupe de tout autour du sacerdoce, mais c'est seulement Aaron et ses deux fils qui font le sacerdoce. Okay? Et le service des Lévites envers les sacrificateurs, c'est une figure du service du peuple de Dieu devant le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Ça, c'est nous. Mais les Lévites sont au service des sacrificateurs pour le peuple. Pas pour eux-mêmes, puis pas pour les sacrificateurs, mais pour le peuple. Et nous, on est sacrificateurs, on va voir ça, de Jésus-Christ, mais pas pour nous. On doit faire ce que le Seigneur nous demande, mais pas pour nous, mais pour le peuple qui nous regarde. Est-ce que ça va? OK. Donc, ça va être les points qu'on va faire. On aura une petite conclusion. À la fin, j'ai un... Si on a le temps, dans une des prédications de MacArthur, il donne un exemple de quelqu'un qui est venu le voir. Fait que je vais vous lire cet exemple-là. C'est bon? OK? Donc... Quand on a fait les livres 1, 2 et 3, là, je sais que c'est petit, c'est loin, là, mais vous pourrez le voir après, on voit comment les tribus ont été réorganisées, comment ils ont été placés autour de la tente d'assignation. Chaque tribu avait sa pierre, sa couleur. Chaque tribu a un animal ou quelque chose qui le représente. Puis chaque tribu est comptée par nom. Tu ne fais pas partie de la tribu d'Éphraïm si tu ne descends pas d'Éphraïm. Il faut que tu remontes à Isaac, Jacob, Éphraïm, Puis il faut que ton nom, là, t'aies la généalogie jusqu'à toi qui est là dans les rangs. Si ton nom n'est pas retraçable, tu n'es pas dans les rangs, tu fais partie des étrangers. D'accord? Donc, on a le positionnement. Puis là, ce qu'on a au centre, c'est les Lévites qui sont autour de la tente d'assignation avec tout ce qu'ils vont avoir à faire. On vient de lire tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont autour, mais ils sont au service de Aaron, Éléazar, Ithamar, qui doivent faire le sacerdoce pour le pardon des péchés de tout le peuple. Fait que le peuple vient les voir, hein, à la porte du parvis, ils viennent les voir. Puis là, les Lévites amènent ce qu'il faut, le bétail, tout ce qu'il faut, mais ils ne font pas les sacrifices. C'est vraiment les trois. Okay? Ils vont faire ça pendant tout le temps qu'ils sont dans le désert, puis ils vont mourir à faire ça. Ils vont faire ça pendant presque 40 ans. Ils vont ne faire que ça. Puis chaque tribu, hein, les Merari, les Gershon, puis les Kehat, ils ont une job précise, puis ils ne font pas la job de l'autre. Puis même plus tard, vous allez voir, même à l'intérieur, là, ils vont se partager l'ouvrage. Puis un coup que c'est partagé, tu ne fais pas autre chose. Tu te lèves le matin. C'est ça que tu fais. OK? Bon, bref, je voulais juste vous montrer ça. Et là, je sais que c'est... tout ce que je veux que vous voyez, c'est ce qui est en jaune en haut. Voyez-vous les chiffres qu'il y a là? Le premier, c'est 8600. Le deuxième, c'est 8300. Il faut partir de la droite vers la gauche quand vous lisez. Le premier mot, parce qu'ils n'écrivaient pas avec des chiffres, les Hébreux, ils écrivaient avec des mots. Le premier mot, c'est 8. Le deuxième, c'est 1000. Le dernier, c'est 100. Vous voyez qu'ils sont pareils, les symboles? Mais le chiffre qui est en jaune, c'est soit 600, soit 300. OK? Enlevez le 8300, là, c'est qu'il y a un petit symbole entre les deux. Je vais dire W, genre, là, ça ressemble à ça. Hein? Est-ce que vous le voyez, le symbole? OK. Dans la transcription, ils l'ont échappé. Ce qui fait qu'on est passé de 8300 à 8600. L'erreur est juste dans le nom, dans le mot, dans la manière qui est écrite. C'est une erreur d'une lettre dans la transcription. Comment on fait ça pour savoir ça? C'est là qu'il faut savoir d'où les textes viennent. Donc, il y a des textes vieux, des manuscrits de différentes époques. Là, je l'ai écrit parce que si quelqu'un veut les notes, ça va être sur le réseau. Là. Mais on a des versions différentes. Les versions qui sont utilisées de référence aujourd'hui, c'est la Septante. La Septante a été écrite 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ par les rabbis qui voulaient traduire les textes dans la langue grecque. Donc, ça a été traduit 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ. Les textes qu'on a aujourd'hui, sur lesquels toutes les Bibles découlent, ne viennent pas de la Septante. Ils viennent des textes, des manuscrits massorétiques, qui, eux, datent du 7e au 8e siècle après Jésus-Christ. Quelque part dans les transcriptions, il y a eu une erreur de fait. Quel, d'après vous, est le plus crédible? Le vieux manuscrit ou le nouveau manuscrit? Le vieux manuscrit. Alors, pourquoi que les rabbis, quand ils se sont mis d'accord ensemble pour geler le texte, pour les textes que tout le monde a, même vous allez voir la Torah chez les Juifs, on va dire. OK, vous allez voir les Hébreux, la Torah, ils disent 8600. Pourquoi? Ils ont gelé le texte à partir des manuscrits qu'eux ont et qu'ils reconnaissent, par crainte, ils avouent l'erreur, mais par crainte de changer quoi que ce soit, un iota, dans les textes. Ils ont préféré le geler comme ça. Ça va tout le monde? OK, fait que l'information qui est là, c'est juste pour vous dire que le chiffre de 8300 est très crédible. C'est juste dans nos traductions, puis il y a longtemps, là, il y a eu un accord sur la chose. OK, l'autre chose qu'on a parlé la semaine passée, c'est que comme les tribus ont un nom, ils ont un fanion, oui. Non. Non, c'est pas dans leur plan, ça l'a jamais été. Puis regarde, même dans nos traductions, toutes nos Bibles sont basées, les traductions qu'on a ne sont pas basées sur la Septante, sont basées sur les autres manuscrits. Fait quand on le lit et qu'on voit une erreur, notre défi, c'est de faire la recherche pour savoir d'où vient la différence. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Les textes originaux, il n'y a pas d'erreur dedans. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut trouver l'erreur. OK? On va en trouver une autre tantôt. Ben, pas une erreur, mais une imprécision. OK. Fait que je reviens à chaque tribu avait une bannière, puis j'ai fait le pont la semaine passée avec les bannières. Bon, en passant, j'ai vraiment cherché encore. J'ai trouvé celle de Valérie. Valérie, je ne sais pas où elle est, là. Mais j'ai trouvé celle de Valérie. Ah, elle est juste là. Fait que je l'ai mis. J'ai trouvé celle des Thibault. Hein, je l'ai trouvé. En fait, il y en a deux, mais c'est vraiment la générale. Puis, j'ai vraiment cherché les Gravelles, là. Je suis désolé, mais il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Bon. Puis, ben, tantôt, j'ai regardé sur mon téléphone pour les Cabral. Je l'ai trouvé. Fait qu'il y a une armoirie, là. Fait qu'un jour, peut-être qu'on rajoutera l'armoirie, là. Mais l'idée ici, c'est que, je vais juste revenir sur les fanions, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et on est ensemble pour faire quelque chose. Puis si on voulait l'associer à un ministère, nous, on est le ministère de la jeunesse dans l'Église à quelque part, bien, c'est quoi notre motto, c'est quoi notre vision, c'est vers où on s'en va, puis tout le monde se rallie derrière ça. On ne peut pas avoir d'esprit divisé. C'est un peu l'idée ici de ce qu'on voyait la semaine passée. Ça va? Donc, et nous, on existe pour une raison ici. Notre devise, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et ici, quand on prend les Lévites, quand il dit « Tous les Lévites m'appartiennent », c'est tout le monde, des premiers-nés jusqu'à la fin, et le bétail et tout ce qu'ils ont ne leur appartient pas, appartient au Seigneur. Voilà. Alors, Moïse, figure de Jésus-Christ. Donc, les trois points, là, les trois figures que je vais amener, c'est juste pour nous montrer que le texte qu'on lit nous sert à nous d'exemple aujourd'hui. Moïse, c'est une figure de Jésus-Christ. Dans Nombre 3, au verset 40, l'Éternel dit à Moïse, « Fais! » Puis on voit au verset 42, Moïse fit. Hein? Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Sur l'ordre, verset 51, il finit encore en disant, « Sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. » Moïse, il est le médiateur. En fait, il est... Je vais aller lire les versets qu'on a là. Exode 4, verset 15. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse argumente avec Dieu à savoir s'il va aller en Égypte, chercher le peuple en Égypte pour les sortir d'Égypte selon les instructions de Dieu. Il ne veut pas y aller. Il argumente. Et là, à quelque part, Dieu va se fâcher, là, à la manière que Dieu se fâche, et il va être insistant, et il lui dit... « Tu lui parleras à Aaron et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Parce que, pourquoi il peut prendre la place de Dieu? Parce que ce qu'il va dire, c'est ce que Dieu lui a dit de dire. Il ne va pas dire autre chose. Il ne va pas faire autre chose. Il ne va pas accepter autre chose. Pas de compromis, ça va? Exode, chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, là, il est rendu en Égypte avec Aaron, puis là, il essaie de convaincre. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, vas-y, aie pas peur, dis ce que je t'ai dit de dire, fais ce que je t'ai dit de faire, ne crains rien, je suis avec toi. » Ça va, je mange une coupe de versets ici. Là. Mais c'est ça le point. Moïse, c'est une figure de Jésus-Christ. Et le peuple va, pour le moment, se conformer à ce que Dieu dit. Dieu a désigné Jésus-Christ pour le représenter auprès de nous. Hein. Jésus-Christ est messager de Dieu pour exécuter la volonté de Dieu. Au même titre, que Moïse, mais avec un statut plus élevé, parce qu'il est Dieu. Si je retourne à Genèse, puis je ne vais pas le lire, là, mais Genèse chapitre 1, on voit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, la terre était informe et vide, etc., etc. Et au verset 3, il dit, Dieu dit, et là, la chose arrive. Plus loin, il y a 8 fois où Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, Dieu dit quelque chose, la chose arrive. On voit dans Jean, chapitre 1, que le « dit », c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Il est le bras exécutoire de ce que Dieu veut. OK, ça va? Fait que, je ne vais pas le lire au complet, mais ça dit que cette parole-là, le « Dieu dit », s'est faite chair, Puis cette personne, ça, c'est cette personne-là, c'est Jésus-Christ, le Fils unique, venu du Père. Dans le désert, Moïse, ben avant le désert, en Madian, quand Dieu parle à Moïse, Dieu lui parle, Moïse reconnaît. Moïse n'a pas le choix. Hein? Dieu est gentil, patient, il est doux, mais il est ferme. Moïse va faire ce que Dieu veut. Le peuple là, va sortir d'Égypte. Vous pensez que le peuple est sorti d'Égypte heureux? Bien, quand on lit les premiers chapitres, non, il n'était pas heureux. Il ne savait pas où il s'en allait, il ne savait pas ce qui se passait, il ne comprenait rien. Mais dès qu'il arrive un petit problème, il va leur retourner où ce qui était. Okay? Ça va être de même. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils n'ont pas envie de faire ce que Dieu dit. Puis ils ne vont pas sortir du désert. Jésus vient, il va le faire. Jésus est la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 5, il dit, pour démontrer, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Quand vous me voyez faire quelque chose, vous voyez le Père. » Au même titre que Moïse, quand Moïse dit quelque chose, quand Moïse décrit comment construire les affaires, là, il était le seul qui l'a vu. Mais il va donner des instructions, ils vont faire, quand vous lisez à la fin d'Exode, là, ce qu'ils ont construit, c'est exactement la représentation de ce que Dieu lui a montré. Fait que le peuple écoutait au doigt et à l'œil, dans certaines choses. Ça, c'est les deux premières années. Après ça, ça va changer. Au chapitre 8 de Jean, il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est lui, Jésus. C'est une figure de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande à nous? Dieu nous a désignés dans ce monde aujourd'hui, actuellement, pour le représenter. Je prends deux versets pour aller dans ce sens-là. Jean 20, au verset 20. « Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. » Comme Moïse qui m'a précédé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour faire quoi? Trafiquer ma parole, la diluer, la changer, l'adapter, la rendre conforme au monde actuel, c'est ça qu'il nous a donné? Non. OK, voilà. Matthieu 28, Jésus s'est approché, les disciples le rejoignent à l'endroit où il avait dit de le rejoindre. Il dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Savez-vous quand? Avant la fondation du monde. Il est Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites, baptisez, enseignez à observer. Dans la nouvelle traduction, là, je mettrai le mot obéir. Okay? Enseignez-leur à obéir à toutes les instructions que je vous ai données. Au même titre que chapitre 2 et 3 dans le désert, dans Nombre. Est-ce que vous me suivez? C'est à ça qu'on est appelé. Est-ce qu'on sait ça, que nous, on est appelé à ça? Fait que les figures qu'il y a dans l'Ancien Testament, qui sont difficiles à saisir des fois, bien, c'est pour nous parler à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ça? OK? Donc, Moïse, c'est une figure de Jésus-Christ. Le rachat des premiers-nés par Dieu au travail des Lévites, bien, c'est Dieu qui rachète les premiers-nés, mais il prend les Lévites. C'est une figure du rachat des saints par Jésus-Christ, OK? Quand il dit le fait de dénombrement, il dit tous les premiers-nés, un mois et plus parmi Israël. Pensez-y, là. 22 273 bébés depuis un an. Quand ils vont bien, hein? Ils sont en santé, ils manquent de rien, ils manquent pas d'eau, ils manquent pas de nourriture, leur linge ne s'use pas, les animaux ne meurent pas. Dieu pourvoit à tout. Il y a 600 000 hommes en forme, OK? On peut-tu s'entendre, là? 600 000 hommes en forme, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Il n'y a que 22 000 nouveaux-nés. OK, c'est quoi le problème? C'est que quand ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu lui-même qui a racheté tous les premiers-nés d'Israël en Égypte. Comment il l'a fait? Il y a un premier-né de toutes les maisons en Égypte qui sont morts, aucun des premiers-nés des enfants d'Israël, parce que le sang de Christ les a épargnés. Mais après, ils sont dans le désert. Depuis qu'ils sont dans le désert, eux n'ont pas été rachetés, ces premiers-nés-là. Il y en a combien qui n'ont pas été rachetés, qui sont nés après la sortie? 22 273. D'accord? D'après leur nom, un Lévite pour un premier-né d'Israël. Une personne, ça prend une personne pour remplacer une personne. Il n'y a aucune personne dans le désert qui pouvait remplacer les 22 273. C'est que c'est une personne pour une personne. Un pécheur, un mort. Un pécheur, un mort. Il en manque 273. Le prix du rachat, c'est 5 sicles d'argent. 5 sicles d'argent, ça vaut à peu près 100 $ aujourd'hui. Bien, 100 $ aujourd'hui, pour les ados, c'est moyen. Hein, parce que papa, grand-papa, bon, voilà. Mais ils sont quand même sensibles un peu dans la demande quand ça arrive autour de 100 $. Mais pour eux, là, ça, j'ai fouillé quelque part, ça ressemble à le salaire d'un berger, le salaire annuel d'un berger, à peu près. Donc, ceux qui manquent, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit remis à Aaron, donc à Dieu. D'où vient l'argent? Il y a 22 273 premiers-nés, lesquels 273 vont payer 5 sicles? Chicane dans le camp. Non, c'est pas moi, c'est toi. Hey, comment? C'est toi. Moi. Non, on ne sait pas. Okay? Rachat du plus vieux au plus jeune, peut-être. Donc, on va dénoncer tous les noms plus âges. Peut-être qu'on commence par les plus vieux, puis on descend, il en reste 273, c'est eux qu'il faut qu'ils payent. On ne sait pas. Tirage au sort? On ne sait pas. On a pris l'argent de l'abondance. Vous vous rappelez quand ils ont construit la tente d'assignation, tous les instruments, tout ça, là, le peuple a amené tellement de choses qu'à un moment donné, Moïse va dire, OK, c'est beau, là, arrêtez. Est-ce qu'il y aura remboursé? Non. Ce qui a resté sert pour le sacerdoce. Est-ce qu'il a pris l'argent là? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été rachetés à prix d'argent. Ça va pour tout le monde? Donc, le rachat ici, c'était impossible pour une personne de tous les racheter. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lui, il a payé pour chacun de nous. Il a donné sa vie parce qu'il est le seul qui pouvait le faire. Il est parfait. Il a donné sa vie et Dieu est pleinement satisfait du prix que Jésus a payé pour chacune de nos vies. » Dans le titre au chapitre 2, on revient sur la personne de Jésus, on va lire. « Pour toi, c'est Paul qui dit à Tite, moi je dirais que Dieu vous dit à chacun de vous, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent, dis que les femmes âgées doivent. » J'aurais dû mettre les mots « doivent » là en gras, souligné, italique, avec une autre couleur. « Doivent », ça veut dire qu'ils doivent. Ça va-tu? Dis que les vieillards doivent, dis que les femmes âgées doivent, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parce que le témoignage d'une personne affecte le témoignage de tous. Ta bannière, c'est quoi? Si tu banalises ta bannière, tu vas faire quelque chose qui fait honte à ta bannière. Nous, notre bannière, c'est qui? C'est Christ. Puis nous, nous sommes son corps. Alors, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, pas selon la sagesse du siècle présent, mais selon la sagesse, la justice et la piété dans la parole de Dieu, en attendant la bienveillante, bienheureuse espérance. On a tendance à l'oublier, ça. Peut-être que le Seigneur tarde, mais votre heure de fin individuelle, elle ne tarde pas tant que ça. OK? Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Afin de nous racheter de toute iniquité. Eux, ils ont été libérés de l'Égypte, l'esclavage sous un roi dominant. Libérés de ça pour servir le Seigneur. Mais ils ne sont pas d'accord. Nous, on est libérés du péché pour servir le même Seigneur. Est-ce que vous voulez négocier avec lui? Il n'y en a aucun qui est sorti du désert. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, une bannière, purifiée par lui, et, un autre mot que j'aurais dû mettre en gros, là, zélé pour les bonnes œuvres. Zélé, ça veut dire, tu es là, tu es convaincu, tu fais de ton mieux pour comprendre, tu le fais de ton mieux. Tu n'es pas là pour contester, tu es là pour dire, oui Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse. Tu es sérieux là? Oui, ok, je vais le faire. Oui, c'est ça la vie. Il n'a jamais dit que c'était facile. Non, mais retournons à nos personnes dans le désert. La même job, là. Sors les poteaux, monte les poteaux. Démonte les poteaux, roule les poteaux. Transporte les poteaux. Remonte les poteaux. Installe les affaires. Attends. Démonte les poteaux, roule les poteaux. À chaque fois qu'on roule, à chaque fois qu'on bouge, tu fais ça, tu ne fais pas d'autre chose. Les syndicats d'aujourd'hui seraient jaloux de la division du travail, là, en Israël. Personne ne conteste. Pourquoi, d'après vous? Donc, le service des Lévites, hein, zélés pour les œuvres que Dieu m'a donné de faire, les Lévites dans le désert sont au service des sacrificateurs. Aucune gloire. Ils ne vont pas aller à la guerre. Ils ne peuvent pas. Aucune gloire. Ils ne vont pas faire les sacrifices. Ils ne peuvent pas. Quand seulement Aaron, une fois par année, qui va être dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Puis Moïse, qui lui a un privilège. Pourquoi? Moïse comme Jésus. Jésus est à la fois là et là. Moïse avait un privilège. Voilà. Donc, mon encouragement est toujours le même. Hein? Ça vous interpelle-tu, ça? Mets-toi au service dans le corps de Christ. Je peux vous dire qu'eux qui sont là dans les airs, là, ils ont tous quelque chose à faire, puis ils doivent le faire. Puis la coercition, là, est là. Hein? C'est dans la même famille. Je sais pas si c'est chez Alexandra, mais chez nous, quand les parents ils veulent quelque chose de la part des enfants, c'est très difficile s'il n'y a pas de coercivité, s'il n'y a pas de... Mais quand ils ont un projet commun, là, d'un coup sec, c'est bizarre. Hein? Tout s'aligne. Oh là, là, ils vont tous prendre leur place parce qu'ils veulent la chose. Comprends? Mais autrement, là, c'est chacun ce qu'il désire. Bon, ça fait que c'est intéressant. Eux autres sont dans le désert. Les Gershonites, ils vont s'occuper du tabernacle, de la tente, de la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis, le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. Il manque un rideau. Ils ne vont pas y toucher. Hey, on est en train de démonter les rideaux, pourquoi on ne démonterait pas celui-là aussi? Non, c'est pas votre job. Les Kéhatites, eux autres, ils s'occupent de l'arche. Hey! L'arche, c'est quelque chose, hein? C'est une belle affaire en or. Dedans, là, il y a de la manne qui n'a pas séché. Hein? Il y a le bâton de il y a le bâton de qui déjà, j'ai oublié, là? Aaron, oui, c'est ça. Puis, il y a des bourgeons après, hein? Ouais. Puis, j'ai oublié le travail. Bon, les tables, ils sont là dans l'arche. Quel privilège, hey! Donc, l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire. Les autres, ils jouent dans l'or, hein? L'autre, ils jouent dans des toiles, des rideaux, ça fait le même. Les autres, ils jouent dans l'or, avec lesquels on fait le service. Le voile et tout ce qui en dépend. C'est eux qui font le voile aussi. On est dans le lieu, tout ce qui est sacré. Le lieu est très saint, puis tout ce qui est sacré. Merari, lui, c'est les planches du tabernacle. Ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles, tout ce qui en dépend, les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages. Et je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait Exode, là, mais c'est un tétrix à bâtir. C'est eux autres qui faisaient ça. Fait qu'allez pas les déranger quand ils le font, là, mélangez-les pas. Eux, là, ils vont faire ça pendant qu'ils sont dans le désert, eux et leurs enfants. Quand ils vont mourir, avant de mourir, il faut qu'ils enseignent à leurs enfants la même affaire. Pensez, c'est fini quand ils sortent du désert et qu'ils rentrent en Israël? OK. Avant la construction dans Exode, Dieu il dit au peuple, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le peuple d'Israël, c'est un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Est-ce que chaque personne fait la même job? Non, c'est ensemble. C'est Dieu qui doit être glorifié. Après, au temps du roi Ézéchias, là, ils sont sortis, ils vont prendre possession du territoire, il va y avoir les juges, il va y avoir Saül, après ça, il va y avoir David, Salomon, division des territoires, des tribus, hein, ça va être deux royaumes. Et là, ça va durer un roi, l'autre roi, l'autre roi, jusqu'à Ézéchias. Quand Ézéchias, il y a 25 ans, quand il est nommé roi, prend la relève de son prédécesseur, quand il est nommé roi, c'était le désordre dans le pays, c'était des abominations dans le pays. Et il dit, maintenant, il fait venir les sacrificateurs et les lévites, et il leur dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Pourquoi ça a été mal dans le pays? Parce que vous avez été négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel. Quand, ça? Nombre 3. C'est là que vous avez été choisis pour faire les choses, OK? Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est ça, votre job. Vous ne la faites pas. Personne d'autre va la faire. Personne d'autre a le droit de la faire. C'est quoi ta place, toi, dans le corps ici? Mais ce n'est pas une individualité. C'est en équipe, c'est en famille. Fait que quand tu viens ici, là, les Lévites qui sont là, c'est pas dire, OK, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Non, non, non. C'est qu'est-ce que moi j'ai à faire? Puis zéler à le faire. C'est ça? Ça, c'est du temps du roi Ézéchias. Aujourd'hui, ça a-tu changé? Si on se rappelle de 1 Corinthiens 10, là? Hein, ça nous sert d'exemple à nous aujourd'hui. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, hein, par opposition à ce qui se passe dans le monde, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est pas la même chose qu'on vient de lire dans Exode. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous, particulièrement ici, on a un rôle à jouer ici, nous, ensemble. OK? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant, depuis votre naissance spirituelle, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous faites partie du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, ce n'est pas des individus qui font chacun ce qu'il veut. Le peuple de Dieu, c'est chacun, tous ensemble, servant le Seigneur pour le peuple qui nous regarde. Dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Vos corps, un sacrifice vivant, actif, zélé, totalement investi. Ça ne veut pas dire que si j'ai un job, je fais ma job, là. Si je suis impliqué dans la communauté, je fais ce que j'ai à faire, je fais du bénévolat, je le fais. Mais quand je le fais, est-ce que ma bannière est visible? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout ce qu'on demandait aux Lévites, c'est de faire chacun sa job. Si tout le monde le fait, quel spectacle! Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est impossible si vous ne lisez pas la Bible et ne la réfléchissez pas. C'est impossible. Ce n'est pas vrai qu'en écoutant une prédication un dimanche matin, en écoutant des prédications sur YouTube, je ne sais pas où, que vos vies vont changer. Non, ça va peut-être vous frapper de temps en temps. Ah, il a raison. Mais aussitôt que vous avez fini, vous l'avez oublié. C'est comment qu'on change? C'est quand on lit la parole de Dieu puis qu'on se voit dedans puis on dit « Ah, misérable que je suis ». Et là, tu dis « Qu'est-ce que je vais faire? » Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je ne suis même pas capable par moi-même. Accompagne-moi là-dedans. Si tu ne changes pas mon cœur, mes pensées, il va dire, OK, mais arrête de regarder certaines affaires, arrête d'aller là, arrête de faire cela. OK, je veux pas juste que tu arrêtes. Je fais juste te dire, arrête, peu importe. Viens, assis-toi, lis, réfléchis, écoute-moi, je te parle. Hein? Puis je te parle aussi au travers des événements de la vie, je te parle au travers de tes frères et tes sœurs qui te disent quelque chose. Quand ils viennent te voir puis que tu n'aimes pas ce qu'ils viennent de te dire parce que ça te dérange, avant de te fâcher, dis, J'ai pas aimé ça, Seigneur, là, ce qu'il vient de me dire ou ce qu'elle vient de me dire, mais toi, as-tu un message pour moi là-dedans? Bon, si vous posez la dernière question que je viens de poser, assoyez-vous, parce que ça se pourrait que ça fasse mal. C'est bon? C'est ça que Dieu veut, ça l'a pas changé de nombre à Josué, jusqu'à les rois, les chroniques, jusqu'à Esdras, ça l'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. La volonté de Dieu n'a pas changé. Mais il nous a rendus capables. Donc, la question demeure. Est-ce que toi, sincèrement, puis il n'y a pas de jugement, là. C'est, des fois, ça sonne comme un jugement. Personne ne juge ici. Soit on a des conversations privées, on se donne des conseils mutuels, mais après, chacun fait ce que Dieu met dans son cœur, on espère. Mais on se pose quand même la question, suis-tu en train de faire la bonne affaire ici, moi? Je vais à Trois-Rivières deux jours par semaine. Je me pose la question chaque semaine. Je fous ici, moi. T'sais. Je vois bien là, ce que Dieu est en train de faire, je le vois. Mais pourquoi moi? Il n'y a pas de réponse. Mais il n'y a rien qui me dit arrête. Donc, je fais quoi? Je continue. J'ai pas de signaux qui dit d'arrêter. Je continue. Quand il va vouloir que j'arrête, là, ça va être clair. Pour le moment, je suis là, je fais ce que j'ai à faire. Comme le Lévite qui pose les poteaux, puis qui enlève les poteaux, puis qui remet les poteaux, puis qui enlève les poteaux. À chaque jour suffit sa peine. Hein? J'ai pas besoin de gagner une médaille. J'ai pas besoin de trophée. J'ai pas besoin. Ah, c'est le fun quand quelqu'un dit hey, merci beaucoup, j'apprécie ce que tu fais. OK, ben, c'est cool. Dis merci au Seigneur. C'est bon. Non. Je veux vous lire un texte que MacArthur, dans une de ses prédications, hein, ça va avec la chose, je trouve. Il dit, la semaine dernière, alors que je participais à une conférence, une jeune femme m'a abordé. Elle était en larmes et profondément bouleversée. Elle m'a dit en substance ce que j'ai souvent entendu autrement dans mon ministère. Elle m'a dit, je n'arrive tout simplement pas à vivre la vie chrétienne comme je le devrais. Elle a ajouté, je suis frustrée, j'ai aucune victoire, aucun sentiment d'accomplissement. J'ai apparemment du mal à obéir aux formes les plus élémentaires de ma vie chrétienne. Je suis constamment vaincue. Pouvez-vous m'aider? C'est une bonne question, non? J'ai dit, eh bien, quelle a été votre approche pour résoudre le problème vous-même? Moi, avant, je répondais direct, oui, garde, non, mais j'ai compris que ce n'est pas la bonne réponse. Mais lui, il est sage, il dit, avant de répondre, il dit, ben, qu'est-ce que tu as fait pour changer la situation? Ah, c'est intéressant. Elle a dit, j'ai tout essayé. Je fréquente une église où l'on parle en langue, où l'on guérit, où l'on vit toutes sortes d'expériences spirituelles. J'ai participé à tout ça, j'ai parlé en langue, j'ai eu des expériences extatiques. Des dons de prophétie, de prétendus miracles, j'ai été terrassé par l'esprit et malgré tout cela, je ne suis pas satisfaite de ma vie. Et elle a ajouté dans une remarque assez révélatrice, j'ai essayé d'obtenir tout ce que je pouvais de Dieu. Ça, c'est la phrase. Est-ce que vous me suivez? Moi, je vais à l'église, mais il n'y a rien pour moi ici. Je viens ici, mais on ne s'intéresse pas à moi, on ne me comprend pas, je ne sais pas, n'importe quoi, OK? Et là, MacArthur répond, c'est ton problème. Qu'est-ce qui est son problème? J'ai essayé d'obtenir tout ce que je pouvais de Dieu. C'est ça ton problème. La clé de la victoire spirituelle n'est pas d'obtenir tout ce qu'on peut, mais de donner tout ce qu'on a. Grande différence. Il y a des gens qui se ruent littéralement dans les églises et les expériences spirituelles pour recevoir davantage de Dieu, alors que le problème n'est pas ce qu'ils ont besoin d'obtenir. Et on a déjà prêché là-dessus, je crois. Vous avez tout. Ceux qui ont pris le petit livre, là, j'ai trouvé la volonté de Dieu, là, puis qui l'ont lu, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de chercher pour. Ne demandez pas à Dieu la patience, il vous l'a donné. Demandez-vous pas à Dieu la sagesse, il vous l'a donné. Hein? La sagesse est ici. La patience, ça vient comment? On s'attend à Dieu. Maintenant, tu ne la mets pas en pratique, la patience. C'est un petit peu ça, là. OK? Je recommande. Il y a des gens qui se ruent littéralement dans les églises pour tout ça, recevoir davantage, alors que le problème, ce n'est pas de ce qu'on a besoin d'obtenir, mais ce qu'on a besoin de donner. C'est l'essence même de ce passage biblique remarquable. Après avoir conclu 11 chapitres d'une bonne traite, parce qu'il est dans Romains chapitre 12, il commence 12, puis là, il vient de prêcher, il prêche sur Romains 12, 1, offrez vos corps comme. OK? Alors, lui, il vient de prêcher 11 chapitres dans Romains en disant, OK? Offrez donc vos corps. conclusion de 11 chapitres qui dit ça, là, c'est pas bon, ça, c'est bon. Voici ce qui n'allait pas, voici ce qu'il faut. OK? Après avoir conclu 11 chapitres d'une doctrine profonde et passionnante, définissant ce que Dieu a fait pour chaque croyant, Paul ne dit pas « voici ce que tu dois recevoir », il dit « voici ce que tu dois donner ». La clé d'une vie puissante n'est pas de recevoir davantage, mais de donner tout ce que nous avons. Et je ne vais pas aller le relire, là, mais 1 Jean 3, 16. Hein? Nous avons connu l'amour ainsi qu'il a donné sa vie pour nous. C'est quoi la deuxième partie? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voici ce que tu dois donner. La clé d'une vie puissante n'est pas de recevoir davantage, mais de donner tout ce que nous avons. Et j'avoue être quelque peu frustré par cette idée si répandue dans le christianisme selon laquelle il faut recevoir pour réussir sa vie chrétienne. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Hein? Si tu es proche de Dieu, tu vas avoir de l'argent puis tu vas être en santé. Ça, c'est mensonge. Ça se peut que ça t'arrive, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 4? Le Père cherche de vrais adorateurs. Il nous a rachetés afin que nous lui rendions gloire, afin que nous nous donnions à lui. Paul, écrivant aux Philippiens au chapitre 3, verset 3, définit le chrétien comme celui qui adore Dieu par l'Esprit, qui se réjouit en Jésus-Christ et ne met pas sa confiance dans la chair, celui qui adore. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, une déclaration monumentale dont nous devons tous être conscients, dit « Vous êtes des pierres vivantes, une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. » Ce n'est pas l'inverse. Nous sommes un sacerdoce spirituel au même titre que le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce lévitique. Nous sommes prêtres au même titre que Melchisédek, nous sommes prêtres sous l'autorité du Dieu très, très haut. Nous sommes un royaume de prêtres dont le but est d'offrir des sacrifices spirituels, tout comme les prêtres d'autrefois offraient des sacrifices d'animaux devant Dieu. En tant que prêtres spirituels, il existe de nombreux types de sacrifices. L'Écriture parle de la possibilité d'offrir le sacrifice de nos lèvres, Hébreux 13, qui est une louange et une action de grâce à Dieu. Elle dit que nous pouvons offrir à Dieu nos supplications, nos prières, que nous pouvons lui donner de nos biens, de ce que nous possédons. Nous lui offrons notre adoration lorsque nous servons les autres, ce qui est véritablement un acte d'adoration, servir les autres. Mais au-delà de tout cela, la prière, la louange, le don, le service, il y a un acte suprême, universel et touchant qu'un croyant doit accomplir dans sa vie. Je vais la relire. Je recommence. Mais au-delà de tout cela, la prière, la louange, le don et le service, il y a un acte suprême universel touchant qu'un croyant doit accomplir dans sa vie de véritable adorateur, quoi? S'offrir lui-même, personnellement, en sacrifice vivant. Voilà l'enjeu. Et franchement, c'est très éloigné de la plupart de ce que l'on présente aujourd'hui comme la clé de la vie spirituelle. On entend dire que pour vraiment remporter la victoire dans sa vie chrétienne, il faut d'une part recevoir davantage de Dieu ou d'autre part avoir une meilleure estimation de sa valeur et se voir... J'ai perdu ma page... Mieux que l'on ne se voit soi-même. Comme si j'avais besoin d'une valeur personnelle. C'est Christ ma valeur. Mais ce que dit l'Écriture... c'est qu'il ne s'agit pas d'affirmer sa propre valeur ni de rechercher quelque chose de plus. Il s'agit de se présenter comment? Comme un sacrifice vivant. Voilà, chers amis, le résumé de 11 chapitres. Ce n'est pas une pensée arbitraire tirée de nulle part, c'est la conclusion parfaite de 11 chapitres de grande doctrine. Quelle est la conclusion après avoir dit tout ce que je pouvais être dit sur ce que Dieu a fait pour nous? La conclusion est que nous lui rendons tout ce que nous sommes. Voilà la conclusion, l'acte suprême de l'adoration spirituelle. Voilà. Question pour vous. Ce n'est même pas une question, c'est un encouragement. Mets-toi au service dans le corps de Christ en ayant Christ comme bannière, en le consultant lui, le cherchant lui, en essayant de comprendre ce que lui dit, puis fais ce que tu as à faire sans te plaindre. Il est là, il prend soin de chacun de nous. Amen.